1968. Il faut distinguer les apparitions accidentelles et spontanées de la faculté proprement dite de voir les esprits. Les premières sont fréquentes, surtout au moment de la mort des personnes que l'on a aimées ou connues, et qui viennent avertir qu'elles ne sont plus de ce monde. Il y a de nombreux exemples de faits de ce genre, sans parler des visions pendant le sommeil. D'autres fois, ce sont également des parents ou amis qui, quoique morts depuis plus ou moins longtemps, apparaissent, soit pour avertir d'un danger, soit pour donner un conseil ou demander un service. Le service que peut réclamer un esprit consiste généralement dans l'accomplissement d'une chose qu'il n'a pu faire de son vivant ou dans le secours des prières. Ces apparitions sont des faits isolés qui ont toujours un caractère individuel et personnel et ne constituent pas une faculté proprement dite. La faculté consiste dans la possibilité, sinon permanente, du moins très fréquente, de voir le premier esprit venu, même celui qui nous est le plus étranger. C'est cette faculté qui constitue, à proprement parler, les médiums voyants. Parmi les médiums voyants, il en est qui ne voient que les esprits que l'on évoque et dont ils peuvent faire la description avec une minutieuse exactitude. Ils décrivent dans les moindres détails leurs gestes, l'expression de leur physionomie, les traits du visage, le costume et jusqu'aux sentiments dont ils paraissent animés. Il en est d'autres chez lesquels cette faculté est encore plus générale. Ils voient toute la population spirit-ambiante aller et venir, et l'on pourrait dire vaquer à ses affaires. 169. Nous assistâmes un soir à la représentation de l'opéra d'Obéron avec un très bon médium voyant. Il y avait dans la salle un assez grand nombre de places vacantes, mais dont beaucoup étaient occupés par des esprits qui avaient l'air de prendre leur part du spectacle. Quelques-uns allaient auprès de certains spectateurs et semblaient écouter leur conversation. Sur le théâtre se passait une autre scène. Derrière les acteurs, plusieurs esprits d'humeur joviale s'amusaient à les contrefaire en imitant leurs gestes d'une manière grotesque. D'autres, plus sérieux, semblait inspirer les chanteurs et faire des efforts pour leur donner de l'énergie. L'un d'eux était constamment auprès d'une principale cantatrice et nous lui crûmes des intentions un peu légères, l'ayant appelé après la chute du rideau, il vint à nous et nous reprocha avec quelque sévérité notre jugement téméraire. Ouvrez la parenthèse. « Je ne suis pas ce que vous croyez, dit-il. Je suis son guide et son esprit protecteur. C'est moi qui suis chargé de la diriger. » Fermez la parenthèse. Après quelques minutes d'un entretien très grave, il nous quitta en disant, ouvrez la parenthèse, « Adieu. Elle est dans sa loge. Il faut que j'aille veiller sur elle. » Fermez la parenthèse. Nous évoquâmes ensuite l'esprit de Weber, l'auteur de l'opéra, et lui demandâmes ce qu'il pensait de l'exécution de son œuvre. Ouvrez la parenthèse. « Ce n'est pas trop mal, dit-il, mais c'est mou. Les acteurs chantent, voilà tout. Il n'y a pas d'inspiration. Attendez, ajouta-t-il, je vais essayer de leur donner un peu de feu sacré. » Fermez la parenthèse. Alors on le vit sur la scène, planant au-dessus des acteurs. Une effluve semblait partir de lui et se répandre sur eux. À ce moment, il y eut chez eux une recrudescence visible d'énergie. 170. Voici un autre fait qui prouve l'influence que les esprits exercent sur les hommes à leur insu. Nous étions, comme ce soir-là, à une représentation théâtrale avec un autre médium voyant. Ayant engagé une conversation avec un esprit spectateur, celui-ci nous dit, ouvrez la parenthèse, « Vous voyez bien ces deux dames seules dans cette loge des premières. Eh bien, je me fais fort de leur faire quitter la salle. » Fermez la parenthèse. Cela dit, on le vit aller se placer dans la loge en question et parler aux deux dames. Tout à coup, celle-ci, qui était très attentive au spectacle, se regarde, semble se consulter, puis s'en vont et ne reparaissent plus. L'esprit nous fit alors un geste comique pour montrer qu'il avait tenu parole. Mais nous ne le revîmes plus pour lui demander de plus amples explications. C'est ainsi que nous avons pu maintes fois être témoins du rôle que jouent les esprits parmi les vivants. Nous les avons observés dans divers lieux de réunion, au bal, au concert, au sermon, aux funérailles, aux noces, etc. Et partout, nous en avons trouvé, attisant les passions mauvaises, soufflant la discorde, excitant les rixes et se réjouissant de leurs prouesses. D'autres, au contraire, combattaient cette influence pernicieuse, mais n'étaient que rarement écoutés. 171. La faculté de voir les esprits peut sans doute se développer, mais c'est une de celles dont il convient d'attendre le développement naturel sans le provoquer, si l'on ne veut s'exposer à être le jouet de son imagination. Quand le germe d'une faculté existe, elle se manifeste d'elle-même. En principe, il faut se contenter de celle que Dieu nous a accordée, sans rechercher l'impossible, car alors, en voulant trop avoir, on risque de perdre ce qu'on a. Quand nous avons dit que les faits d'apparition spontanée sont fréquentes, entre parenthèses numéro 107, nous n'avons pas voulu dire qu'ils sont très communs. Quant aux médiums voyants proprement dit, ils sont encore plus rares. Et il y a beaucoup à se défier de ceux qui prétendent jouir de cette faculté. Il est prudent de n'y ajouter foi que sur des preuves positives. Nous ne parlons même pas de ceux qui se font la ridicule illusion des esprits globules, que nous avons décrite au numéro 108, mais de ceux qui prétendent voir les esprits d'une manière rationnelle. Certaines personnes peuvent sans doute se tromper de bonne foi, mais d'autres peuvent aussi simuler cette faculté par amour-propre ou par intérêt. Dans ce cas, il faut particulièrement tenir compte du caractère, de la moralité et de la sincérité habituelle. Mais c'est surtout dans les circonstances de détail qu'on peut trouver le contrôle le plus certain, car il en est qui ne peuvent laisser de doute, comme par exemple l'exactitude du portrait d'esprit que le médium n'a jamais connu vivant. Le fait suivant est dans cette catégorie. Une dame veuve dont le mari se communique fréquemment à elle se trouvait un jour avec un médium voyant qui ne la connaissait pas, non plus que sa famille. Le médium lui dit « Je vois un esprit près de vous. »« Ah, dit la dame, c'est sans doute mon mari, qui ne me quitte presque jamais. »« Non, répondit le médium, c'est une femme d'un certain âge. Elle a un bandeau blanc sur le front. » À cette particularité, et à d'autres détails descriptifs, la dame reconnut sa grand-mère à ne pas s'y méprendre, et à laquelle elle ne songeait nullement en ce moment. Si le médium avait voulu simuler la faculté, il lui était facile d'abonder dans la pensée de la dame, tandis qu'au lieu du mari dont elle était occupée, il voit une femme avec une particularité de coiffure dont rien ne pouvait lui donner l'idée. Ce fait prouve une autre chose, c'est que la vue chez le médium n'était le reflet d'aucune pensée étrangère. Entre parenthèses, voyez le numéro 102. 6. Médium somnambule. 172. Le somnambulisme peut être considéré comme une variété de la faculté médianémique, ou pour mieux dire, ce sont deux ordres de phénomènes qui se trouvent très souvent réunis. Le somnambule agit sous l'influence de son propre esprit. C'est son âme qui, dans les moments d'émancipation, voit, entend et perçoit en dehors de la limite de ses sens. Ce qu'il exprime, il le puise en lui-même. Ses idées sont en général plus justes que dans l'état normal, ses connaissances plus étendues, parce que son âme est libre. En un mot, il vit par anticipation de la vie des esprits. Le médium, au contraire, est l'instrument d'une intelligence étrangère. Il est passif, et ce qu'il dit ne vient point de lui. En résumé, le somnambule exprime sa propre pensée, et le médium exprime celle d'un autre. Mais l'esprit qui se communique à un médium ordinaire peut tout aussi bien le faire à un somnambule. Souvent même l'état d'émancipation de l'âme pendant le somnambulisme rend cette communication plus facile. Beaucoup de somnambules voient parfaitement les esprits et les décrivent avec autant de précision que les médiums voyants. Ils peuvent s'entretenir avec eux et nous transmettre leurs pensées. Ce qu'ils disent en dehors du cercle de leurs connaissances personnelles leur est souvent suggéré par d'autres esprits. Voici un exemple remarquable où la double action de l'esprit du somnambule et de l'esprit étranger se révèle de la manière la moins équivoque. 173. Un de nos amis avait pour somnambule un jeune garçon de 14 à 15 ans, d'une intelligence très vulgaire et d'une instruction extrêmement bornée. Néanmoins, en somnambulisme, il a donné des preuves d'une lucidité extraordinaire et d'une grande perspicacité. Il excellait surtout dans le traitement des maladies et a fait un grand nombre de cures regardées comme impossibles. Un jour, il donnait une consultation à un malade dont il décrivit le mal avec une exactitude parfaite. « Ce n'est pas tout, lui dit-on. Il s'agit maintenant d'indiquer le remède. « Je ne puis pas, répond-il. Mon ange docteur n'est pas là. Qu'entendez-vous par votre ange docteur? Celui qui me dicte les remèdes, ce n'est donc pas vous qui voyez les remèdes? Eh non, puisque je vous dis que c'est mon ange docteur qui me les dicte. » Ainsi, chez ce somnambule, l'action de voir le mal était le fait de son propre esprit qui, pour cela, n'avait besoin d'aucune assistance. Mais l'indication des remèdes lui était donnée par un autre. Cet autre n'étant pas là, il ne pouvait rien dire. Seul, il n'était que somnambule, assisté de ce qu'il appelait son ange docteur. Il était somnambule médium. 174. La lucidité somnambulique est une faculté qui tient à l'organisme et qui est tout à fait indépendante de l'élévation, de l'avancement et même de l'état moral du sujet. Un somnambule peut donc être très lucide et être incapable de résoudre certaines questions si son esprit est peu avancé. Celui qui parle par lui-même peut donc dire des choses bonnes ou mauvaises, justes ou fausses, mettre plus ou moins de délicatesse et de scrupule dans ses procédés selon le degré d'élévation ou d'infériorité de son propre esprit. C'est alors que l'assistance d'un esprit étranger peut suppléer à son insuffisance, mais un somnambule peut être assisté par un esprit menteur, léger ou même mauvais, tout aussi bien que les médiums. C'est ici surtout que les qualités morales ont une grande influence pour attirer les bons esprits. Entre parenthèses, voyez le livre des esprits, Somnambulisme, numéro 425, et ci-après, le chapitre sur l'influence morale du médium. Fermez la parenthèse. 7. Médium guérisseur. 175. Nous ne parlerons ici que pour mémoire de cette variété de médiums, parce que ce sujet exigerait des développements trop étendus pour notre cadre. Nous savons d'ailleurs qu'un médecin de nos amis se propose de les traiter dans un ouvrage spécial sur la médecine intuitive. Nous dirons seulement que ce genre de médiumnité consiste principalement dans le don que certaines personnes possèdent de guérir par le simple attouchement, par le regard, par un geste même, sans le secours d'aucune médication. On dira sans doute que ce n'est pas autre chose que du magnétisme. Il est évident que le fluide magnétique joue ici un grand rôle. Mais quand on examine ce phénomène avec soin, on reconnaît sans peine qu'il y a quelque chose de plus. La magnétisation ordinaire est un véritable traitement suivi, régulier et méthodique. Là, les choses se passent tout différemment. Tous les magnétiseurs sont à peu près aptes à guérir s'ils savent s'y prendre convenablement. Tandis que chez les médiums guérisseurs, la faculté est spontanée et quelques-uns même la possèdent sans avoir jamais entendu parler de magnétisme. L'intervention d'une puissance occulte qui constitue la médiumnité devient évidente en certaines circonstances. Elle l'est surtout quand on considère que la plupart des personnes que l'on peut, avec raison, qualifier de médiums guérisseurs ont recours à la prière, qui est une véritable évocation. Entre parenthèses, voyez ci-dessus le numéro 131. Fermez la parenthèse. 176. Voici les réponses qui nous ont été faites aux questions suivantes adressées aux esprits sur ce sujet. Question 1. Peut-on considérer les personnes douées de la puissance magnétique comme formant une variété de médiums? Réponse. Vous n'en pouvez douter. Question 2. Cependant, le médium est un intermédiaire entre les esprits et l'homme. Or, le magnétiseur, puisant sa force en lui-même, ne semble être l'intermédiaire d'aucune puissance étrangère. Réponse. C'est une erreur. La puissance magnétique réside sans doute en l'homme, mais elle est augmentée par l'action des esprits qui l'appellent à son aide. Si tu magnétises en vue de guérir, par exemple, et que tu invoques un bon esprit qui s'intéresse à toi et à ton malade, il augmente ta force et ta volonté. Il dirige ton fluide et lui donne les qualités nécessaires. Question 3. Il y a cependant de très bons magnétiseurs qui ne croient pas aux esprits. Réponse. Penses-tu donc que les esprits n'agissent que sur ceux qui croient en eux? Ceux qui magnétisent pour le bien sont secondés par de bons esprits. Tout homme qui a le désir du bien les appelle sans s'en douter. De même que, par le désir du mal et les mauvaises intentions, il appelle les mauvais. Question 4. Celui qui ayant la puissance croirait à l'intervention des esprits, agirait-il plus efficacement? Réponse. Il ferait des choses que vous regarderiez comme des miracles. Question 5. Certaines personnes ont-elles véritablement le don de guérir par le simple attouchement, sans l'emploi des passes magnétiques? Réponse. Assurément. N'en avez-vous pas de nombreux exemples? Question 6. Dans ce cas, y a-t-il action magnétique ou seulement influence des esprits? Réponse. L'un et l'autre, ces personnes sont de véritables médiums, puisqu'elles agissent sous l'influence des esprits. Mais ce n'est pas à dire qu'elles soient médiums-écrivains, comme vous l'entendez. Question 7. Ce pouvoir peut-il se transmettre? Réponse. Le pouvoir? Non. Mais la connaissance des choses nécessaires pour l'exercer, si on le possède. Tel ne se douterait pas qu'il a ce pouvoir s'il ne croyait qu'il lui a été transmis. Question 8. Peut-on obtenir des guérisons par la seule prière? Réponse. Oui, quelquefois si Dieu le permet. Mais peut-être que le bien du malade est de souffrir encore, et alors vous croyez que votre prière n'est pas écoutée. Question 9. Y a-t-il pour cela des formules de prière plus efficaces les unes que les autres? Réponse. La superstition seule peut attacher une vertu à certaines paroles, et des esprits ignorants ou menteurs peuvent seuls entretenir de pareilles idées en prescrivant des formules. Cependant, il peut arriver que, pour des personnes peu éclairées et incapables de comprendre les choses purement spirituelles, l'emploi d'une formule contribue à leur donner confiance. Dans ce cas, ce n'est pas la formule qui est efficace, mais la foi qui est augmentée par l'idée attachée à l'emploi de la formule. 8. Médium pneumatographe. 177. On donne ce nom au médium apte à obtenir l'écriture directe, ce qui n'est pas donné à tous les médiums écrivains. Cette faculté est jusqu'à présent assez rare. Elle se développe probablement par l'exercice. Mais, comme nous l'avons dit, son utilité pratique se borne à une constatation patente de l'intervention d'une puissance occulte dans les manifestations. L'expérience seule peut faire connaître si on la possède. On peut donc essayer, et d'ailleurs on peut le demander à un esprit protecteur par les autres moyens de communication. Selon le plus ou moins de puissance du médium, on obtient de simples traits, des signes, des lettres, des mots, des phrases, et même des pages entières. Il suffit ordinairement de poser une feuille de papier pliée dans un endroit quelconque ou désigné par l'esprit, pendant 10 minutes ou un quart d'heure, quelquefois plus. La prière et le recueillement sont des conditions essentielles. C'est pourquoi on peut regarder comme impossible de rien obtenir dans une réunion de personnes peu sérieuses ou qui ne seraient pas animées de sentiments sympathiques et bienveillants. Entre parenthèses, voyez la théorie de l'écriture directe, chapitre 8, laboratoire du monde invisible, le numéro 127 et suivant, et chapitre 12, pneumatographie. Nous traiterons d'une manière spéciale des médiums écrivains dans les chapitres suivants.